Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Bonjour, Jade Herbulot. Vous êtes donc co-auteur et metteur en scène avec à vos côtés Clara Edouin d'un spectacle qui a pour titre Les Trois Mousquetaires. Alors c'est une véritable épopée, revue et corrigée. Je crois que vous nous proposez un vrai coup de jeune pour cette célèbre œuvre que l'on doit à Alexandre Dumas. Oui, tout à fait. C'est un livre que, pour ma part, je n'avais pas lu, et c'est Clara qui l'avait lu, elle, quand elle était plus jeune, parce que c'est un livre qui est souvent associé aujourd'hui à la littérature de jeunesse ou à l'adolescence, et qui, en tout cas, est une œuvre folklorique, enfin, qui participe du folklore français. Et c'est vrai que nous, au départ, ce qu'on voulait, c'était réunir un certain nombre d'acteurs qu'on avait rencontrés dans notre école, au studio d'Anières, et de pouvoir déployer avec eux un travail au long cours. Et donc, le format de la série est venu avant de choisir l'œuvre que nous voulions adapter, et Les Trois Mousquetaires, a été comme une évidence pour être le terrain de jeu propice pour nous amuser, nous, dans la ville, puisque très vite aussi on a affirmé une esthétique du dehors, ce qu'on appelle nous un théâtre contextuel, un théâtre dans la rue, puisqu'on n'est pas à proprement parler une troupe de théâtre de rue, mais en tout cas l'idée c'est de jouer le spectacle en extérieur et de réinvestir des lieux de patrimoine, des friches, en tout cas investir la ville et faire se frotter l'univers, la langue de Dumas avec l'actualité et la contemporanéité des spectateurs. Faire du théâtre ailleurs et autrement, et plus encore en intégrant les spectateurs à votre travail, aux fictions qui leur sont proposées. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux spectateurs de participer, de parler, mais en tout cas, les spectateurs sont ou deviennent toujours des figurants. C'est-à-dire qu'ils participent du jeu. D'une part, nos spectacles sont composés de plusieurs épisodes parce que c'est vraiment construit comme une série contemporaine avec un générique, avec des pubs et avec des pauses. Et entre chaque épisode qui dure environ une demi-heure, il y a des pauses durant lesquelles les spectateurs changent de dispositif, c'est-à-dire qu'ils passent d'un frontal à un bifrontal, à un cercle. Donc, ils sont constamment sollicités. En tout cas, c'est un spectacle qui est déambulatoire, et en effet, dans la fiction elle-même, parfois, les acteurs prennent à partie les spectateurs, ou en tout cas, les spectateurs endossent un rôle dans le spectacle. Pour la forme, j'ai lu ici pas de cap et d'épée, ni de plume, ni de chapeau. Que sont donc devenus les célèbres Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan? Alors, en effet, il n'y a pas de plumes, il n'y a pas de chevaux non plus, mais quand on a réfléchi à comment on pourrait raconter les mousquetaires aujourd'hui, on a essayé de saisir dans le roman ce qu'ils représentaient. Et en fait, ils représentent quand même une force ancienne, féodale, chevaleresque, qui est en train d'être mise à mal par le nouvel ordre politique qui est en train de d'être tissé par le cardinal de Richelieu, qui centralise le pouvoir, les pouvoirs de l'État. Et donc, on réfléchissait à que pourraient être les équivalents des hors-la-loi aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait parler aux spectateurs. Et ce qui nous est apparu le plus évident, c'était les cow-boys de western, et notamment des western spaghetti de Sergio Leone. Et dans ce cadre-là, les gardes du cardinal sont devenus tout simplement des membres de la police nationale. C'est-à-dire que dans notre adaptation, les gardes du cardinal sont vêtus comme la police et les mousquetaires comme des cow-boys. Et autour de cela, on joue de différents codes et de différentes époques, en travaillant aussi des anachronismes ludiques pour les spectateurs et qui permettent aussi de renvoyer à la propre réalité des spectateurs. Que reste-t-il du récit de départ? Est-ce que Alexandre Dumas retrouvera ses petits? Oh oui, parce que en réalité, il y a dans notre adaptation 70% du texte qui est de Dumas. Après, nous avons sélectionné, coupé, parce que l'œuvre fait 850 pages, 900 pages, et il était impossible de tout garder. Donc on a fait un travail de sélection, de coupe, pour choisir aussi les lignes de force qu'on voulait mettre en valeur dans le roman et qui allaient être nos guides, quoi. Et par ailleurs, avec Clara Edouin et Romain de Bec de Lièvre, on a aussi inventé des parties du texte. Des parties qu'on a essayé de transposer au monde contemporain. Par exemple, il y a tout un moment où les mousquetaires n'ont plus une pistole, plus un centime, et donc écument les rues de Paris à la recherche de nourriture, de pièces, etc. Et nous, on a raconté ça en les faisant arriver dans ce qui est l'équivalent d'un pôle emploi, qu'on a appelé une charge borne et métier, et on les voit essayer d'obtenir une charge à durée courte pour pouvoir payer leur équipement pour partir en guerre à La Rochelle. Oui. Donc c'est sur des scènes comme ça où on essaye aussi de transposer encore une fois pour que ça soit le plus proche possible de la réalité des spectateurs, et puis pareil, ça permet de créer des contrastes, du relief. Parfois, quand dans le texte, on n'a pas le temps de tout raconter en détail. C'est vrai qu'au niveau de la forme, vous faisiez référence au Western Spaghetti de Sergio Leone. On peut se retrouver aussi dans l'univers des Monty Python également. Oui, c'est aussi une de nos références. C'est vrai, en tout cas, s'autoriser aussi des sorties, ce qu'on appelle des sorties de route ou des décalages qui permettent aussi de rendre compte de tous les registres qu'il y a dans ce roman qui est vraiment extrêmement riche, où il y a à la fois du mélodrame, de l'action, c'est un roman d'aventure, un roman picaresque, il y a aussi une dimension tragique à la fin du roman. Donc voilà, pour nous, il était important de se permettre ce type de décalage, et notamment des décalages à la Monty Python. Alors, un récit au long cours, on l'a bien compris, vous avez parlé de 6 saisons, c'est un peu à la mode télévisuelle. Aujourd'hui, on est de plus en plus happé, en haleine, dans l'attente de la nouvelle saison. C'est un peu le principe, là, également ? Exactement, c'est-à-dire qu'on joue aussi de cliffhanger, comme dans les séries télévisées qu'on connaît, c'est-à-dire que dans la construction de notre adaptation, on fait en sorte qu'à la fin de chaque épisode, les spectateurs aient évidemment envie d'aller tout de suite regarder le suivant, donc à l'échelle des épisodes et à l'échelle des saisons. Donc oui, d'ailleurs le feuilleton romanesque lui-même est l'ancêtre de la série télévisée, donc d'une certaine manière, notre adaptation fait la synthèse du roman et de la série télévisée. Vous placez presque le spectateur dans une situation d'addiction, si j'ai bien compris, c'est ça ? Exactement. L'objectif, en tout cas nous, ce qu'on souhaite, c'est que les spectateurs soient si bien pris par l'histoire qu'ils aient envie de revenir et de revenir plus nombreux. Sur place, le nombre justement, 11 comédiens, comédiennes, alors j'allais dire sur scène, non, puisque vous faites exploser le cadre classique du théâtre, puisque c'est plus dans des lieux publics, et là, pour votre venue dans le Val-d'Oise, ça se produira au musée d'Aubigny à Auvers-sur-Oise, et peut-être, vous allez me confirmer, au château d'Auvers-sur-Oise, le vendredi 7 juin, l'entrée sera libre, durée 1h30, pour nous présenter, je crois, le premier cycle, la saison 1, c'est ça? Oui, exactement. Le premier cycle correspond aux saisons 1, 2 et 3. Et donc, ce qu'on va présenter avec la nouvelle scène nationale est le début de cette épopée, la saison 1, qui raconte le moment où... Enfin, c'est le début du roman, quand D'Artagnan arrive de sa Gascogne et arrive à Paris pour rencontrer le capitaine des mousquetaires, Monsieur de Tréville. Et donc, juste le rapport au lieu, je parlais du musée d'Aubigny, du château d'Auvers-sur-Oise. Là, on est effectivement dans un cadre tout à fait autre que un lieu de théâtre. Oui, tout à fait, c'est le principe. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a eu envie de faire, parce que le tout premier épisode, l'épisode pilote qu'on a créé, on l'a créé dans un bar à Paris, dans un bar à Belleville. Et suite à cette expérience, ce qu'on a voulu faire, c'est la prolonger et occuper des espaces publics. Et donc, en effet, il n'y a pas de scène, mais on utilise les parcs, les rues, les routes, et ce qui nous permet aussi de travailler avec des voitures, des scooters, et de, en effet, être dans des dimensions qui déborde le théâtre et qui nous permet à nous aussi d'être en relation avec le réel, avec un contexte, avec des habitants. Et pour nous, c'est ça qui est important, que de créer un lien avec les habitants d'une ville, d'un quartier, et de le créer à travers le spectacle des Trois Mousquetaires. Alors, j'ai lu dans les intentions de ce spectacle, dans ce chantier de ce qu'on appellera plus tard la monarchie absolue, dans ce royaume de l'entre-deux politique, nous réarmons donc les mousquetaires, sans ranger les formes et en tâchant de rendre hommage à l'énergie brutale et bordélique de ces jeunes hommes. Précisez donc l'idée ici. L'idée, c'est qu'en effet, on est dans une société de plus en plus sécuritaire, de plus en plus policée, où il est d'ailleurs de plus en plus difficile de faire des choses dans l'espace public parce qu'il y a des contraintes énormes suite au renforcement des plans Vigipirate, etc. Donc c'est des choses qui sont très difficiles à faire. Et nous, ce qu'on essaye de défendre, c'est d'une part l'existence de ces espaces publics, la possibilité de les occuper et la possibilité capacité aussi d'avoir un rapport au monde qui n'est pas celui d'une société sécuritaire ou policière. Et donc, en effet, c'est aussi ce qu'on met en scène dans le spectacle, c'est-à-dire ce jeune Jean Bordelli qui est aussi une force qui résiste à une puissance centralisatrice, une puissance d'État qui essaye d'homogénéiser aussi les caractères et les tempéraments. La presse a dit un certain nombre de choses à propos de votre compagnie, de votre spectacle. La joyeuse troupe réinvente le spectacle de rue en amenant les codes de la série télévisée. Leurs prestations se divisent en 3 saisons d'une heure et demie chacune. Avec insolence et avec humour, ils ferraillent au fil des épisodes. Ça correspond effectivement à l'état d'esprit de la maison ? Ah oui, tout à fait. Exactement. Nous, voilà, aujourd'hui, on est aussi une troupe agrandie parce que chaque acteur a son alternance puisque nous sommes très sollicités maintenant et c'est formidable. Et donc, maintenant, on est presque d'ailleurs une joyeuse troupe de 15 personnes et avec cette volonté aussi de proposer un travail collectif puisque chaque acteur est un acteur responsable, autonome et un acteur qui écrit sa propre partition au sein des spectacles. Juste pour éclairer ma lanterne, le collectif 49701, c'est un nom de code ? Oui, c'était le code d'entrée de la porte de notre école. Là où Anière, nous sommes rencontrés. À Anière, exactement. Bon, on retiendra ce numéro. Merci Jade Herbulot. Donc, juste pour confirmation, vous allez à la fois vous produire au musée d'Aubigny à Auvers-sur-Oise, d'ailleurs avec une exposition qui est en cours, qui rend hommage à Camille Corot. Je ne sais pas si vous aviez l'info. Je ne l'avais pas. Et il est prévu qu'il y ait une représentation peut-être aussi au château d'Auvers-sur-Oise. Tout à fait. Le vendredi 7 juin, les horaires, on les précisera et l'entrée est libre. Un grand merci à vous, Jade Herbulot. Eh ben, merci à vous.